بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، on poursuit donc بفضل الله عز وجل notre cours sur les règles de la zakat. Les règles de la zakat en abrégé. Maintenant, nous arrivons donc au chapitre concernant les biens et les produits et les biens commerciaux. Les produits et les biens commerciaux. Urud at-tijara. Urud at-tijara, donc, qui sont les produits et les biens commerciaux. C'est tout ce qui est mis en vente ou acheté dans l'objectif de tirer un bénéfice. Tout ce qui est mis en vente ou acheté dans l'objectif de tirer un bénéfice, ça peut être donc des terrains, des maisons, des voitures, des produits alimentaires, des vêtements, des animaux, des livres ou autres. Donc, tout ce qui fait partie des choses qu'un commerçant peut mettre en vente dans sa boutique ou son magasin. Donc, tout ce qu'un commerçant peut mettre en vente dans sa boutique ou son magasin, ça fait donc partie de ce qu'on appelle urud at-tijara, donc les produits et biens commerciaux. L'obligation de payer la zakat sur les produits et biens commerciaux est prouvée par la parole d'Allah Azzawajal dans son noble livre. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. En traduction approximative du sens, ô vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Mujahid a dit à propos de ce verset, Nazalat fit tijara. Donc il a dit ce verset est descendu par rapport au commerce. Ce verset est descendu par rapport au commerce. Mujahid, c'est Abu al-Hajjaj Mujahid ibn Jabr al-Makki, un des grands savants des tabi'in spécialisé dans le tafsir. C'est lui dont on a dit Ida ja'aka at-tafsir al-Mujahid fa hasbuka bihi. Si le tafsir te vient de Mujahid, cela t'est suffisant. Ceci car il fut le meilleur élève de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, c'est le plus connaisseur des compagnons, c'est le plus connaisseur des Sahaba au niveau du tafsir après Ibn Mas'ud. Donc après Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, c'est le plus savant des compagnons du prophète concernant le tafsir, concernant le Coran. Et donc après lui, c'est donc Ibn Abbas. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azawajal pour Ibn Abbas. Il a fait pour lui deux invocations, comme cela est rapporté dans les sahihains, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré aux toilettes et Ibn Abbas lui a mis à disposition de quoi faire les ablutions. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a vu cela, il a demandé qui a mis ceci. Et on l'informa que c'est Ibn Abbas. On l'informa donc que c'est Ibn Abbas. C'est à ce moment donc qu'il fit cette invocation. Qu'il fit une invocation donc pour Ibn Abbas, où il dit Allahumma faqihu fi din, où Allah rend le verset dans la science de la religion. Donc il fit donc cette invocation pour Ibn Abbas à ce moment-là, tel que c'est rapporté dans les Sahihain. Et dans une version du même hadith rapporté par Al-Hakim et authentifié par des savants du hadith dont fait partie l'imam Al-Albani, il est rajouté, après cette invocation, il est rajouté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa'allimhu al-ta'wil »« Allahumma faqihu fi al-din »« Wa'allimhu al-ta'wil » »« Ou Allah » prend le verset dans les sciences de la religion et enseigne-lui l'exégèse, enseigne-lui, c'est-à-dire le tafsir, le ta'wil. Dans ce hadith, ça veut dire c'est dans le sens de donc le tafsir. Enseigne-lui donc l'explication des sens des paroles, de tes paroles, des paroles du noble livre. Donc, c'est ainsi donc que par la baraka de cette invocation, Ibn Abbas est donc devenu un des grands savants de Sahaba et le plus connaisseur, et parmi les plus connaisseurs donc du tafsir, de la signification du sens des versets du Coran. Et Mujahid est donc le meilleur élève d'Ibn Abbas. Et il a dit concernant le tafsir qu'il a lu le Coran à Ibn Abbas 3 fois, de Al-Fatiha jusqu'à la fin. Et il s'arrêtait à chaque verset pour demander son tafsir à Ibn Abbas. Donc il a lu le Coran 3 fois à Ibn Abbas, de Al-Fatiha jusqu'à la fin, 3 fois. Et il s'arrêtait à chaque verset pour demander à Ibn Abbas le tafsir de ce verset. Et vous savez que nos pieux prédécesseurs avaient des mémoires prodigieuses. Il est rapporté d'eux, par exemple, que quelqu'un on récitait un poème devant lui une fois seulement, et il était capable de réciter le même poème. Ensuite, il avait mémorisé une seule fois seulement qu'il a écouté le poème. Il avait mémorisé, il était capable de réciter le même poème à son tour. Donc, Mujahid a donc dit que ce verset-là qu'on a cité, Ya ayyuhalladhina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مجاهد donc il a dit que ce verset donc concernait donc la zakat sur le commerce, sur les biens commerciaux. Et ceci est l'avis de la grande majorité des savants. Ceci est l'avis de la grande majorité des savants. Et l'imam al-Bukhari a intitulé un chapitre de son Sahih dans ce sens. Et il a mis ce verset dans ce chapitre-là. Il a intitulé ce chapitre Bab Sadaqatul Qasb wa Tijara. Le chapitre concernant la sadaqa du gain et du commerce. Et donc cet avis est rapporté de manière authentique de 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Omar ibn al-Khattab, son fils Ibn Omar, et Ibn Abbas. Et on ne connaît pas de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les ait contredits dans cet avis. On ne connaît pas de compagnons du prophète qui les ait contredits donc dans cet avis. Omar, Ibn Omar et Ibn Abbas. Et parmi les contemporains, il y a l'imam Al-Albani et l'imam Al-Wadi et Cheikh Mugbel, qui est le Mujaddid, le revivificateur de la Da'wa au Yémen. Donc, lui et donc l'imam Al-Albani, ils ont opté pour l'avis contraire, voyant qu'il n'y a pas de zakat à payer sur les biens commerciaux. Voyons qu'il n'y a pas de zakat à payer sur les biens commerciaux. Et ils estimaient qu'il n'y a pas de preuve, ils estimaient qu'il n'y a pas de preuve claire sur le sujet. Et d'autres arguments qu'ils ont étayés. Mais l'avis le plus juste est donc celui de la majorité des savants, au vu donc des arguments qui ont été cités précédemment. Donc, au vu des arguments qu'on a cités précédemment, donc c'est l'avis qui apparaît le plus juste. Et surtout que c'est l'avis d'un certain nombre parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas rapporté d'autres qui les aient contredits dans cela. Et il est important de dire ici que, petite parenthèse ici, il est important de dire que les divergences des savants dans le fiqh, ça nous enseigne et ça nous éduque sur comment se comporter quand il y a donc des divergences entre savants et gens de science, même à notre époque. Car les divergences surviennent sur d'autres questions. Les divergences peuvent survenir dans la aqida, dans le minhaj. Et donc dans ces cas, il est important de savoir comment le musulman doit se comporter. Parce qu'on est confronté à ça, même de nos jours, on est souvent confronté à ça, que ça arrive que les savants divergent et des opinions contradictoires sur des questions ou sur des sujets, sur des questions ou sur des situations. Et dans ce cas, donc, il est étonnant de voir des gens à qui Allah Azzawajal a donné un peu de clairvoyance et de science faire du suivisme aveugle et de l'imitation. Ou dire, par exemple, je suis tel savant, ou bien moi, je suis les grands savants, ou bien moi, je suis les savants de tel pays, ou bien moi, je suis... Donc, la personne ne doit pas suivre sa passion. La personne ne doit pas donc suivre sa passion, et on doit donc se comporter comme on se comporte dans les divergences du fiqh. Ça veut dire qu'on regarde les arguments. On regarde les arguments qui sont avancés, sans suivre aveuglément un madhab, ou bien sans suivre aveuglément un savant ou un groupe de savants. Et c'est ce qui s'est passé justement dans les époques précédentes, où les gens, par exemple, parce qu'ils étaient du madhab Shafi'i, ils suivaient l'imam Shafi'i, ou bien qu'ils suivaient l'imam Ahmed. Donc, lorsqu'il y avait des divergences, ils se contentaient donc de secourir, même si la vérité leur apparaissait claire, ils se contentaient de secourir le madhab auquel ils appartenaient. Et donc, à notre époque, on ne doit pas se comporter de la sorte. Et c'est par la suite que des savants comme Cheikh Al-Islam sont venus. Et ils ont fait la synthèse. Ils ont fait la synthèse des paroles des différents madhab pour donc sortir donc la vie qui apparaissait pour eux le plus juste, sans suivi aveugle. Et d'autres savants par la suite les ont suivis sur cette voie-là, comme l'imam Ibn Taymiyyah parmi nos contemporains et d'autres. Comme l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Al-Albani aussi, c'est quelqu'un que voilà, il se basait par rapport aux arguments et aux preuves qui lui apparaissaient. Donc beaucoup de nos savants de mérite à notre époque, donc ils ont suivi cette voie-là. Cheikh Al-Fawzan aussi, il est sur cette voie. Beaucoup parmi nos savants donc sont sur cette voie. Et c'est la voie donc qu'il faut suivre. Et c'est aussi la voie donc qu'il faut suivre lorsque nos savants, même contemporains, divergent. On regarde les arguments. Et la personne, donc, il suit la vérité qui lui apparaît en son âme et conscience. Il suit la vérité qui lui apparaît en son âme et conscience. On suit les arguments qui nous apparaissent les plus solides et les plus proches de la vérité. Parce que, quelle que soit la science et la renommée d'un savant, nul n'est infaillible. Et le savant, il peut donc connaître comme il peut ignorer. Il peut voir juste comme il peut se tromper. Et on ne suit donc pas non plus le nombre. Ça c'est un problème qui est aussi récurrent chez les gens à notre époque. C'est le suivi du nombre, le suivi du grand nombre. Ça, c'est un argument qui, pour certains, est un argument primordial, le grand nombre. Et comme vous le voyez dans les questions de fait, souvent on voit la vie de la majorité, et on voit que nos savants et beaucoup de gens de science n'optent pas pour la vie de la majorité parce qu'ils estiment que les arguments de la majorité ne sont pas les plus solides. Les arguments de la majorité ne sont pas les plus solides et ils vont donc opter pour... ils vont suivre l'argument qui leur apparaît le plus juste et le plus solide. Donc, on n'oppose pas le grand nombre à la vérité des arguments. Donc, on n'oppose pas... Beaucoup de gens font ça à notre époque. Quand tu vas leur dire, mais ça, c'est par exemple telle chose, c'est interdit, mais... Beaucoup de savants ont permis cela, ou beaucoup de gens le font. C'est une justification que beaucoup de gens donnent. Mais beaucoup de gens parmi les musulmans font ça. Beaucoup de gens donnent beaucoup souvent cet argument-là, ou cette raison-là, pour faire des choses contre lesquelles on les met en garde. Par exemple, si on leur dit que telle chose c'est une innovation, mais ils vont dire que, ou telle chose c'est interdit, ils vont dire que mais beaucoup de gens font cela, ou beaucoup de gens pratique cela. Donc ça, c'est pas un argument qu'on oppose le grand nombre ou la majorité, c'est pas un argument qu'on oppose à la vérité. Donc, et ceci est prouvé par les arguments du Kitab et de la Sunna, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu suis la plupart, en traduction approximative du sens, si tu suis la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc ce verset est une preuve que si ton argument c'est le suivi de la majorité et du grand nombre, tu as plus de chances, tu es plus sûr de t'égarer du droit chemin. Parce que généralement, le grand nombre, c'est plutôt une cause. Le grand nombre, suivre le grand nombre en contradiction avec les arguments et en contradiction avec la vérité, c'est une certitude de s'égarer. Donc Allah Azza wa Jal donc a dit donc dans ce noble livre, en traduction approximative du sens, si tu suis la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc ce verset montre que souvent la vérité est avec la minorité. Souvent la vérité, très souvent la vérité est avec la minorité et non pas avec le grand nombre. Et le grand nombre est souvent dans l'égarement. Et dans les Sahihain, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهيت والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد. Dans ce hadith, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on m'a présenté les communautés et j'ai vu un prophète avec un petit groupe de gens. Rohait, donc c'est un groupe de moins de 10 personnes, un petit groupe de gens. Et j'ai vu un prophète avec une personne, un prophète avec deux personnes, et un prophète qui n'avait personne avec lui. Et un prophète qui n'avait personne avec lui. Et donc, ce hadith démontre donc que la vérité peut être avec seulement trois, voire deux, voire une seule personne. Parce que l'homme al-Qiyama, donc, il viendra un prophète, hein, c'est un prophète d'Allah Azzawajal, il viendra seul. Personne de sa communauté ne l'aura suivi. Personne de sa communauté ne l'aura suivi. Ça voudrait dire donc qu'à son époque, il aura été le seul et l'unique personne sur la vérité et sur le droit chemin. Donc, cet argument est beaucoup utilisé par nos savants pour démontrer que la vérité, c'est le kitab et la sunna. Qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. Et même si tu es le seul sur cette vérité, tu dois t'y cramponner. Même si tu es le seul sur cette vérité, tu dois t'y cramponner et ne pas suivre la vague. Ne pas suivre la vague et ne pas suivre le grand nombre. Donc, ce prophète va arriver Yom al-Qiyama et tous les gens de sa communauté seront dans le faux et l'égarement, quel que soit leur nombre, et lui seul sera donc sur la vérité. Lui seul sera sur la vérité, car personne de son peuple ne l'aura suivi. C'est ainsi donc qu'on peut voir, depuis qu'on fait nos cours sur des questions de fiqh, on peut voir que on arrive sur les questions, les différents savants, tous les savants des différents madhabs, tous les savants des différents madhahib, donc les hanbalites, les malikites, les shafiites, les hanafites et d'autres, ils ont des avis. Mais tu vois, cher l'islam, il vient avoir un avis autre que l'avis de toutes ces communautés de savants. Donc il vient avoir un avis autre que l'avis de dizaines, voire des centaines de savants de tous ces madahib. Et on juge donc que ces arguments sont les plus solides et que la vérité est avec lui. Donc, lorsque cette vérité nous est exposée et nous apparaît claire, il n'est pas permis d'y opposer donc le grand nombre de contradicteurs comme argument. Comme on ne regarde pas aussi la renommée, la célébrité ou la réputation d'un savant comme argument. C'est ce que malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens font. Dès qu'ils ont connu un savant qui a une très grande renommée, donc ils vont le suivre aveuglément et l'imiter aveuglément sur tout ce qu'il dit. C'est pas la voie correcte à suivre pour les gens de la Sunna. Et c'est ainsi que nos pieux prédécesseurs nous ont éduqués. Et il est rapporté, il y a un fameux athar qui est rapporté d'Ibn Abbas à ce sujet, où il disait à ses élèves, je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Donc dans le athar, il est dit que il leur dit, je crains que des pierres ne tombent du ciel sur vous, ou quelque chose dans le sens. Parce que donc il leur donnait les arguments qu'il avait entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il lui opposait à cela le fait que Abu Bakr et Omar ont été d'un avis autre. Et donc, c'est ainsi donc que les compagnons du prophète ont éduqué leurs élèves à suivre la vérité et à ne pas suivre. Même si c'est Abu Bakr et Omar, on ne les suit pas, malgré le statut qu'ils ont dans cette communauté. Malgré le statut qu'ils ont dans cette communauté, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mérite d'être suivie en dehors de quiconque. Donc l'imitation et le suivi aveugle des savants sont des choses détestable et à détester pour celui qui recherche la science. Et c'est ce qui te motive aussi, c'est ce qui te motive aussi à faire les efforts pour atteindre le niveau où tu peux avoir accès toi-même aux preuves et arguments et te faire un avis sur différentes questions, à savoir quels sont les arguments exposés par les savants et quels sont ceux donc qui sont les plus proches de la vérité, et donc suivre donc ce chemin-là en ton âme et conscience. Donc c'était donc une petite parenthèse importante sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est primordial à notre époque, parce qu'on a une époque où justement à cause de beaucoup d'ignorance, les gens font beaucoup de suivisme aveugle et d'imitation, ce qui n'est pas permis. Cheikh Moukbel disait même que taqlid, l'imitation c'est une bid'a, c'est une innovation. Le fait d'imiter, c'est une innovation, parce que on suit donc les arguments et on n'imite pas. On suit les arguments et on n'imite pas. Il est important aussi de dire donc que par rapport à cette question de la zakat sur les biens commerciaux, sur les biens et produits commerciaux, l'imam Ibn al-Mundhir rapporte l'unanimité sur l'obligation de payer la zakat sur ces produits et biens commerciaux qui atteignent un nisab. Donc l'imam Ibn al-Mundhir, il rapporte donc l'unanimité par rapport à cela. Et il faut aussi préciser que ce que j'ai cité concernant les compagnons Omar, Ibn Omar et Ibn Abbas, qui ont donc été de cet avis, et le fait qu'il n'ait rapporté d'aucun autre compagnon le contraire de ce qu'ils ont dit, certains savants considèrent cela comme une unanimité des compagnons. Donc si certains compagnons sont d'un avis et qu'il n'est rapporté d'aucun autre parmi les compagnons un avis contraire, certains savants considèrent donc que cet avis est une unanimité des sahaba, est une unanimité des compagnons. C'est le cas de Cheikh Al-Fawzan, qui voit donc cette unanimité dans son commentaire de Boulour, volume 4, page 448. Donc, il voit donc que le fait que Omar, Ibn Omar et Ibn Abbas soient de cet avis qu'il est obligatoire de payer la zakat sur les produits et biens commerciaux, et qu'il n'ait rapporté d'aucun autre compagnon le contraire de cet avis, donc il voit que c'est une unanimité des compagnons, et donc c'est un argument très très solide. Et on a déjà vu donc dans nos cours concernant Ramadan que lorsqu'une unanimité est rapportée, c'est un argument solide et on ne tient pas compte de la divergence de ceux qui sont à des époques suivant cette unanimité. Donc cette divergence n'est pas prise en considération. Si les savants d'aujourd'hui, par exemple, sont unanimes et s'accordent sur un sujet, même si des gens divergent des siècles après nous, leur divergence ne remettra pas en cause l'unanimité qui a été constatée à notre époque. Et sur cette question, Cheikh Al-Fawzan, il cite aussi comme argument le fait que la plupart des biens, comme argument appuyant cet avis, donc il cite aussi le fait que la plupart des biens et l'argent que les gens possèdent provient du commerce. Donc si on regarde la plupart des biens et l'argent des musulmans à notre époque, ça provient du commerce. Et si donc on décidait que on opte pour la vie, qu'il n'y a pas de zakat à payer sur les biens commerciaux, donc il y aurait donc il n'y aurait pas de zakat sur une partie énorme de l'argent ou des biens que les musulmans possèdent. Donc si on optait pour cet avis-là, hein, il y aurait une partie énorme de l'argent ou des biens des musulmans qui ne seraient pas concernés par la zakat. Et ça enlèverait donc une grosse partie ça ferait donc qu'il y aurait vraiment une grosse partie des zakawats qui ne seraient plus payés, parce que la majeure partie la majeure partie de l'argent de la zakat provient donc du commerce, et la majeure partie des biens que possèdent les musulmans provient donc du commerce. Donc si on opte pour cet avis là c'est que on va perdre énormément. Il y a énormément d'argent de la zakat qui va donc sauter et qui ne sera donc pas payé. Et il dit aussi que si on opte pour cet avis-là, ça ferait que, en fait, les gens, beaucoup de riches donc, qui ont des biens et des produits commerciaux et qui possèdent de l'argent, donc ils feraient du commerce avec. Donc en fait, beaucoup de gens qui possèdent beaucoup de riches qui ont des biens, donc ils pourraient se mettre à faire du commerce avec ces biens pour éviter de payer de la zakat. En fait, c'est ce que Cheikh Al-Fawzan veut dire. Donc beaucoup de gens qui ont donc des biens, ils se retrouveraient donc à faire du commerce avec ces biens-là pour éviter de payer la zakat, ou bien faire du commerce avec, par exemple, quelqu'un pourrait avoir de l'or ou de l'argent ou bien des billets de banque, et il décide donc de faire du commerce avec cet or ou cet argent-là pour éviter donc de payer la zakat, puisque il dirait donc dans ce cas-là qu'il n'y a pas de zakat à payer sur les biens commerciaux. Donc c'est un peu la vie donc que suit donc l'argument donc que donne donc Cheikh Al-Fawzan. Donc tout ceci démontre que cet avis-là, l'avis qui est qu'il n'y a pas à payer de zakat sur les biens commerciaux, c'est un avis qui est faible, et l'avis le plus solide donc et le plus fort, c'est donc l'avis pour lequel a opté donc ceux qui y voient donc, et c'est la majorité des savants qui voient donc que il y a une zakat à payer donc sur les biens commerciaux et sur les produits commerciaux. Et autre argument donc que Cheikh Al-Fawzan il donne, c'est que les biens et les produits commerciaux sont comme le dirham et le dinar et les monnaies. Les biens et les produits commerciaux sont comme le dinar, le dirham et les monnaies, c'est-à-dire que c'est avec ceci qu'on détermine les valeurs. Donc c'est avec ceci qu'on détermine les valeurs. Ça veut dire que par exemple, un vendeur de pièces auto, pour prendre un exemple, un vendeur de pièces automobiles, si une pièce, s'il vend une pièce par exemple à 500 euros, s'il vend une pièce auto par exemple à 500 euros, quand il possède cette pièce auto, c'est comme s'il possédait 500 euros. Vous voyez un peu le sens? Ça veut dire que les biens, les produits commerciaux sont comme des valeurs. Les biens, les produits commerciaux sont exactement comme des valeurs. Donc c'est comme de l'argent. C'est comme de l'argent parce que quand tu possèdes un bien ou un produit commercial, c'est comme si tu possédais de l'argent. Donc quelqu'un qui a un terrain, par exemple, qui possède un terrain d'une valeur de 5 millions de francs CFA, c'est comme s'il possédait 5 millions de francs CFA. Et donc, c'est pour ça donc que si on disait qu'il n'y a pas de zakat à payer sur les biens commerciaux, la plupart des gens qui possèdent ce genre de choses auraient la possibilité donc de faire du commerce avec leur argent, par exemple, avec leur or, leur argent, leur pièce de monnaie, leur monnaie qu'ils possèdent, pour ne pas payer la zakat sur cela. Et c'est pour cela que les produits commerciaux donc ont le même sens. Les produits commerciaux ont le même sens que les valeurs or, argent et monnaie. Les produits commerciaux ont le même sens que les valeurs or, argent et monnaie. Et c'est pour ça donc qu'ils ont la même zakat. C'est pour ça qu'ils ont la même zakat, puisque ils ont le même sens. Ils ont le même sens que les valeurs or, argent et monnaie. Donc c'est pour ça que leurs zakat se calculent pareil. Leurs zakat se calculent pareil. Et précédemment, on a vu que al-hawl, donc c'est une durée d'un an, et que on peut, lorsqu'on a atteint le nisab, on peut payer la zakat en avance sans avoir atteint le hawl. Mais pour les biens commerciaux ici, il est bien d'attendre la fin du hawl. Pour les biens commerciaux, il faut attendre la fin du hawl pour sortir la zakat, parce que pour les biens commerciaux, ce sont des biens dont la valeur peut augmenter et diminuer entre temps. Donc il est bien d'attendre la fin de la durée de un an du calendrier islamique. Parce que par exemple, un homme qui achète un terrain pour le revendre, il achète un terrain pour le revendre par la suite et faire une plus-value. Il a acheté le terrain à 5 millions de francs CFA. Et il se peut qu'après un an du calendrier islamique, la valeur du terrain a doublé. Et que maintenant, le terrain vaut 10 millions. Il sortira donc la zakat de ce terrain sur la valeur actuelle, sur la valeur des 10 millions. Et on ne prend pas donc en considération le prix d'achat. On ne prend pas en considération le prix d'achat du bien. C'est donc pour ça que pour les biens commerciaux, il est bien d'attendre d'arriver à la fin du hawl, que les un an se soient écoulés. Et à ce moment-là, on estime donc la valeur du bien et on sort la zakat par rapport à la valeur actuelle du bien et non pas par rapport à son prix d'achat. Donc par exemple, pour quelqu'un qui fait le commerce de voitures, il peut avoir des plans, des réseaux où il arrive à obtenir ses véhicules très moins cher. Par exemple, aujourd'hui, c'est connu qu'aux Émirats, par exemple, les véhicules sont à des prix très abordables. Et ici en Afrique, on a eu le Bénin, par exemple, qui était connu pour avoir des taxes douanières très faibles. Et donc, beaucoup d'Africains se rendaient au Bénin pour acheter des véhicules. pour acheter des véhicules. Ils achetaient même des véhicules en dizaines au Bénin parce que les prix étaient très abordables. Les prix étaient très abordables parce que la douane étant, les taxes douanières étant vraiment, vraiment très basses, très moins chères. Donc c'était une aubaine pour beaucoup. Ils préféraient aller acheter des voitures là-bas, même s'ils les faisaient venir dans leur pays par voie terrestre. Ils payaient des chauffeurs qui donc les acheminaient vers d'autres pays d'Afrique. Et beaucoup de gens se sont mis dans ce commerce de véhicules achetés au Bénin. Et donc si quelqu'un, par exemple, achète un véhicule il achète un véhicule donc à un prix vraiment dérisoire, comme par exemple, je dirais, si je prends par exemple un exemple où il achète un véhicule à 1 million de francs CFA aux Émirats, prenons cet exemple, il achète un véhicule à 1 million de francs CFA aux Émirats et puis il le ramène au Cameroun. Et le véhicule au Cameroun, il a une valeur de 5 millions. Donc le véhicule, donc après les 1 an du calendrier islamique, le véhicule au Cameroun, il est estimé, sa valeur est estimée à 5 millions sur le marché local. Donc tu te bases donc sur le prix du marché local. Sortir la zakat, sortir la zakat de ce véhicule, tu vas donc te baser sur le prix, sur l'estimation de la valeur du véhicule sur le marché local. Et donc, ça sera donc les 5 millions qui seront divisés par 40, ce qui va donner donc les 2,5% et qui devront être donc payés comme zakat pour ce véhicule. Et c'est ainsi donc pour tous les autres genres de marchandises, tous les autres genres de marchandises et biens et produits commerciaux. Si tu as un stock, si tu as un stock par exemple, prenons l'exemple du sucre, si tu as un stock de sucre que tu as acheté à un prix et entre-temps, le prix du sucre a doublé. Entre-temps, le prix du sucre a doublé et donc quand tu atteins le haul, le prix du sucre est double par rapport à la valeur par rapport au prix auquel tu as acheté, au moment où tu l'as acheté. Dans ce cas-là, donc, tu dois donc sortir la zakat sur ton stock de sucre par rapport au prix sur le marché, au moment où tu dois payer la zakat. Et non pas, tu ne dois pas te baser donc sur le prix d'achat. Et comme on l'a dit donc précédemment, ce dont on parle ici, ce sont donc les biens et produits qui sont mis en vente ou achetés dans l'objectif de revendre pour en tirer un bénéfice. Donc tout ce qui n'est pas dans ce cadre, il n'y a pas de zakat sur cela, même si cela est d'une très grosse valeur. Par exemple, le menuisier, par exemple, peut avoir des machines et du matériel de menuiserie de très grande valeur. Donc, il ne payera pas de zakat sur ce matériel, sauf si il décide donc de revendre son matériel. Dans ce cas, il devra payer la zakat et il compte donc la durée Al-Hawl à partir du moment où il a pris la décision ferme de mettre en vente. De même, tout ce que la personne peut posséder pour son utilisation personnelle, comme maison, voiture, meubles et autres, donc tant que ce n'est pas dans l'objectif de revendre et en tirer un bénéfice, il n'y a pas de zakat à payer. Il n'y a pas de zakat à payer. Et ceci est prouvé par le hadith d'Abu Huraira dans les Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa ala al-muslim fi abdihi wa ala farasihi sadaqa. Le musulman n'a pas de zakat à payer sur son esclave ni sur son cheval. Donc, c'est ce hadith dont, sur lequel les savants se sont donc appuyés pour dire que tout ce qui nous sert, qu'on utilise comme maison, voiture, meubles, etc., donc tout ce qu'on utilise et donc qui n'est pas dans l'objectif de le revendre pour en tirer un bénéfice, donc tout ça donc il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Et c'est la même chose donc pour tout ce que la personne met en location pour obtenir un gain, comme par exemple les voitures, maison, terrain, magasin, etc. Donc il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Et la zakat sera seulement sur l'argent gagné si ça atteint un issar, mais pas sur le bien loué lui-même. Et donc sur cet argent gagné par la location, si ça atteint un issar, après le haul, il sortira donc les 2,5% de zakat. Mais tu peux avoir 30, 40, 50 véhicules que tu vends, que tu loues. Tu peux avoir 40, 50 véhicules que tu mets en location. Tu peux avoir des dizaines de maisons que tu mets en location, des appartements que tu mets en location. Il n'y a aucune zakat à payer sur ces biens-là. Il n'y a aucune zakat à payer sur ces biens-là. Des magasins ou autres que tu mets en location, il n'y a aucune zakat à payer sur ces biens-là tant que ce n'est pas des biens qui sont mis en vente, qui sont dans l'objectif de faire une plus-value par leur revente. Et maintenant donc, lorsque tu décides de, tu as des maisons que tu as mis en location par exemple, et puis après un an tu décides de mettre ces maisons en vente. Donc à ce moment-là, tu dois donc commencer à compter le haul à partir du moment où l'intention change. Donc tu dois commencer donc à compter le haul à partir du moment où l'intention ferme de changer est là et que tu mets en vente. Donc quand l'intention change donc et que la personne a décidé de mettre en vente, si ça atteint le haul de un an du calendrier islamique, donc il sort donc la zakat sur cette maison. Et comme on l'a dit, la zakat des produits et biens commerciaux est la même que celle de l'or et de l'argent. Il estime donc la valeur de la maison. Il fait estimer par un expert donc la valeur de la maison. Et il divise donc le montant par 40, ce qui fait donc les 2,5% à payer. Et ceci est la fatwa de Cheikh Ibn Taymiyyah et la fatwa donc de la Lejna Daima. Donc sur le fait que lorsque la personne change d'intention, qu'il a un bien qui n'est pas à vendre, mais dès qu'il change d'intention et qu'il met ce bien en vente, donc à partir de ce moment-là, donc il compte el haul, et puis ça devient donc à partir de ce moment-là, il compte donc El Haul, et à partir de ce moment-là, il va sortir la zakat. À partir du moment où il a décidé à vendre, il va compter la durée d'un an, et à la fin de ces un an, donc il sortira la zakat sur ce bien. Et ça, c'est un avis qui est rapporté de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis que j'estime le plus juste. il est contraire à l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants ont été d'avis que le bien ne devient un bien commercial, le bien qui n'est pas à vendre ne devient un bien commercial juste par l'intention. Ça veut dire qu'ils estiment que le bien ne devient un bien commercial que par l'acte de vente. Ça veut dire une fois qu'il est vendu, c'est là où il devient un bien commercial. Donc, ce n'est pas l'intention de vendre ne suffit pas. Ils estiment donc que, la majorité des savants estiment donc que l'intention de vendre ne suffit pas. Il faut que la vente soit effective. Il faut que la vente soit effective pour que le bien devienne un bien commercial. Donc pour eux, même si tu as l'intention de vendre ta maison, tant que tu n'as pas vendu ta maison, ça reste donc dans le même jugement que le bien qui n'est pas à vendre. Ça reste donc dans le même jugement qu'un bien d'habitation et donc il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Et ce n'est qu'une fois que tu as vendu que tu vas donc compter el haoul et ensuite sortir la zakat sur l'argent gagné après la vente. C'est un avis qui a du sens et de la pertinence aussi. Mais l'autre avis qui est donc rapporté de l'imam Ahmed me semble donc le plus juste parce que comme on l'a déjà vu dans les questions où les savants divergent, souvent on revient au maqasid, ça veut dire aux objectifs de la charia. On revient donc aux objectifs de la législation pour trancher. Et ici là on voit que la zakat a été instituée donc pour le pauvre. Et on regarde donc ce qui est le plus profitable pour le pauvre. Et sans aucun doute, la fatwa de calculer le haul à partir du moment où on a décidé de vendre va plus dans l'intérêt du pauvre, car la zakat sort plus avec cette fatwa. Parce que, par exemple, une maison, il se peut que la personne mette des années avant que la vente ne soit effective. Il se peut que quelqu'un qui a une maison à vendre, il mette des années avant de trouver un client et avant que la vente ne soit effective. Et avec l'avis de la majorité des savants, ça fera que tu ne sortiras pas de zakat pendant tout ce temps. Ça fera que tu ne sortiras pas de zakat pendant tout ce temps sur cette maison. Alors qu'avec l'avis qui est rapporté de l'imam Ahmed et qui m'apparaît le plus juste, donc tu payes la zakat donc chaque année à partir du moment où tu as décidé de vendre. À partir du moment où tu as décidé de vendre. Sauf qu'il y a un détail. Il y a un détail qui est d'importance, c'est que il faut que l'intention de vente soit fermement. Il faut que l'intention de vente soit ferme et qu'elle se manifeste par un acte de mise en vente verbal ou écrit. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste que ça soit une intention qui soit dans le cœur. Donc, par exemple, tu as décidé de vendre ta maison, mais tu n'as pas fait d'acte allant dans le sens de mettre ta maison en vente. C'est juste une intention que tu as dans le cœur. Là, dans ce cas, effectivement, ça ne suffit pas. Dans ce cas, ça ne suffit pas. Il faut que l'intention de vendre se manifeste par un acte de mise en vente, qu'il soit donc verbal ou écrit. Ça veut dire tu peux proposer ton bien avant à des potentiels acquéreurs. Hein, verbalement, tu peux proposer ton bien à de potentiels acquéreurs. Ça démontre que tu as vraiment la ferme intention de vendre. Ou bien, tu peux mettre une annonce. Ça démontre aussi que c'est un acte donc qui démontre que tu as l'intention ferme de vendre. Donc c'est là donc la précision qui est importante. Donc si tu as juste l'intention dans le cœur, mais que tu n'as rien fait comme démarche comme tu n'as rien fait comme démarche allant dans le sens de la mise en vente du bien, dans ce cas-là, tu n'es pas considéré comme vendeur. Wallahu a'lam. Donc, il faut des paroles et des actes qui démontrent que tu as la ferme intention de vendre. À partir de ce moment-là, donc, à partir du moment, par exemple, où tu as mis l'annonce, tu as rédigé une annonce, tu vends ta voiture, tu as rédigé une annonce, tu as mis une annonce écrite, tu as collé quelque chose sur ta voiture disant que ton véhicule est à vendre. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux donc compter al-haw, parce que tu as déjà mis le véhicule en vente. Ou tu as déjà mis la maison en vente, hein, tu es allé voir une agence immobilière, tu leur as signifié que tu vends ton bien. Voilà, donc là, c'est des actes et donc des paroles qui signifient donc clairement ton intention de vendre le bien. Là, dans ce cas, donc, tu commences à compter donc al-haw. Mais il ne faut pas donc que ça soit simplement une intention sans être suivi donc d'actes ou de paroles démontrant la réelle intention de vendre. Et les savants donc ont pris l'exemple du voyageur pour expliquer que l'intention ne suffit pas. Ils ont pris l'exemple du voyageur en disant que le voyageur ne devient pas voyageur juste par l'intention. Et il faut donc l'acte du voyage. C'est par cet acte donc que le voyageur devient voyageur. Et de la même manière donc, le bien ne devient pas commercial par la simple intention. Donc il faut donc pour cela un acte de mise en vente écrit ou verbal qui montre donc cela. Par contre, les savants ont dit que le voyageur devient résident simplement par l'intention. Donc quelqu'un qui est en voyage et qui décide de s'établir quelque part, il devient donc résident par la simple intention. Donc pour le contraire, l'intention suffit. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté une voiture pour la vendre et qui décide de ne plus la vendre donc et de s'en servir ou bien de la mettre en location ou bien d'en faire un taxi, donc par la simple intention, donc le bien redevient donc un bien sur lequel il n'y a pas de zakat à payer sur la simple intention qui a changé. Donc dans ce cas-là donc l'intention, la simple intention suffit, parce que donc ils disent que le voyageur, il ne devient pas voyageur par l'intention, mais le voyageur devient résident simplement par l'intention. Donc c'est les arguments donc qui sont utilisés pour dire que dans le cas contraire, si la personne avait acheté un bien pour le mettre en vente, par exemple une maison, il avait acheté pour la revendre et en faire une plus-value, il décide de ne plus le faire, de ne plus la mettre en vente. Hein, il décide d'y habiter ou autre, ou de la mettre en location. Dans ce cas-là, donc l'intention suffit pour donc annuler le jugement qui courait sur ce bien-là et en faire donc un bien sur lequel il n'y a plus de zakat à payer. Donc pareil pour c'est pareil donc comme je le disais pour la maison que tu as acheté pour en faire une plus-value et la revendre. Donc voilà, si tu décides d'en faire ton habitation, voilà, tu peux donc, l'intention suffit donc pour qu'il n'y ait plus l'obligation de la zakat sur ce bien. Précision importante aussi donc, c'est que le commerçant qui vend le commerçant par exemple qui vend en gros, pour sortir la zakat de ses marchandises, il va estimer au prix de gros. Et celui qui vend en détail, il estime Il estimera donc la valeur de ses biens par rapport au prix du détail. Donc celui qui vend en gros, il estimera donc la valeur de ses biens par rapport au prix de gros. Celui qui vend en détail, il estimera donc la valeur de ses biens au prix du détail. Celui qui fait les deux, c'est-à-dire qu'il vend des fois en gros et des fois en détail, et donc lui, il estime quelles sont les ventes qu'il fait le plus. Et il se base sur cela. Ça veut dire que s'il vend le plus en gros, donc il se base sur le prix de gros. Si la majeure partie de ses ventes, c'est en gros, donc il se base sur le gros, sur le prix du gros. Mais si la majeure partie de ses ventes, c'est en détail, donc il se base sur le prix du détail. Donc il se base donc sur le prix du détail pour estimer la valeur de ses marchandises. S'il n'arrive pas à déterminer, si la majeure partie de ses ventes, c'est en gros ou c'est en détail, dans ce cas-là, il estime la moitié de ses marchandises en gros et il estime la moitié, l'autre moitié, au prix de détail. Donc, il estime la moitié de ses marchandises au prix de gros et l'autre moitié au prix de détail. Wallahu a'lam. Et un de nos frères de mérite qui s'appelle un de nos frères de mérite parmi les étudiants expérimentés au Yémen, qui s'appelle Abou Bakr al-Hammadi. Il a un livret donc sur la zakat, sur lequel je me suis basé pour ses cours, sur lequel je me suis appuyé sur ses cours. Et donc c'est lui qui opte pour le jugement que je viens de citer. C'est lui qui opte pour le jugement que je viens de citer. Wallahu a'lam. Dans cette rissa là, donc dans ce livret qui s'appelle Al Masa'il Al Mukhtar. Cher l'Islam Ibn Taymiyyah, il est d'avis que tu peux sortir la zakat sur les biens et produits commerciaux en nature. Donc cher l'Islam Ibn Taymiyyah a opté pour cet avis. Dans le livre l'Ikhtiyarat, donc il opte pour cet avis là, cher l'Islam Ibn Taymiyyah. Et tel que ce frère Abou Bakr al-Hammad il a rapporté dans son livret, donc il opte pour le fait que il est permis donc de sortir la zakat sur les biens et produits commerciaux en nature. Donc c'est permis de sortir la zakat sur les biens et produits commerciaux en nature. Et c'est-à-dire que la personne, par exemple, le propriétaire d'un magasin, par exemple, qui vend des produits alimentaires, il lui est permis de donner la zakat concernant ses stocks de marchandises. Il peut donc sortir la zakat en produits alimentaires et les donner directement aux pauvres. Quelqu'un qui fait le commerce de l'or aussi, par exemple, il peut donc sortir la part des zakat qu'il doit payer, et donc il peut la sortir donc en or et donner directement cet or à un pauvre. Donc c'est le sens donc de la fatwa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc il estime la quantité des zakat qu'il doit sortir en or et donc il donne donc cet or là à un pauvre. Et il n'est pas donc obligé de donner la zakat. Il n'est pas donc obligé d'estimer la valeur en argent et puis de donner cette zakat là en argent. Il peut la donner donc en nature. Mais il faut que ça soit donc le frère là, Abou Bakr al-Hammadi, donc il précise que il faut que cette zakat donnée en nature, ça soit avec des produits qui sont d'utilité et profitables aux pauvres. Des produits qui sont d'utilité et profitables directement aux pauvres. Il ne faut pas que ce soit des produits qui ne lui servent à rien. Par exemple, quelqu'un, il vend de la quincaillerie, il vend des tuyaux, des boulons, des clous. On ne va pas dire que donc il sort la zakat en nature, il va donner aux pauvres des tuyaux, des boulons et des clous. Donc c'est un peu ce que le sens de la vie du frère. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit vraiment soit des produits alimentaires, des produits que voilà, la personne, c'est profitable pour le pauvre directement. On sait que de l'or, il va lui donner de l'or, il peut revendre cet or-là et avoir de l'argent avec. Des choses comme ça, des choses vraiment qui soient profitables pour lui. Mais pas des choses voilà, qui ne sont d'aucune utilité, comme je viens de le citer. Alors, Alain, dit sinon, si c'est des choses de ce genre-là, si c'est des choses de ce genre-là, il faut donc estimer la valeur en argent et puis donner cet argent aux pauvres. C'est beaucoup mieux. Donc, on estime la valeur de ces choses-là. Dans ce cas-là, il n'est pas permis de donner en nature. Comme je l'ai cité précédemment, tu vends des clous, des tuyaux, des boulons, tu ne vas pas donner ça aux pauvres. Dans ce cas-là, tu estimes la valeur de ton stock en argent et puis tu sors la zakat en argent. Allah a'lam. Autre précision importante aussi pour ceux qui font dans l'immobilier par exemple et qui achètent des terrains. Pour ceux qui font dans l'immobilier et qui achètent des terrains pour les revendre. Bien sûr, il y a la zakat à payer sur ces terrains. Mais si le hawl est atteint et que la personne n'a pas les liquidités pour sortir les 2,5% de zakat, il est permis qu'il sorte la zakat en parcelle de terrain qu'il va donner donc à un pauvre, comme on vient de le voir comme on vient de le voir tout de suite avec la fatwa de Cheikh al-Islam permettant donc de payer la zakat en nature, allant donc dans ce sens. Mais il faudrait donc que la parcelle de terrain soit d'une dimension qui soit utile et profitable aux pauvres, pas que ce soit un bout de terrain insignifiant qui ne va lui servir strictement à rien. Ou sinon, dans ce cas, la personne donc vend une parcelle de ses terrains et avec, il vend donc une partie de ses terrains et avec l'argent gagné, il sort la zakat. Donc, s'il n'y a pas de liquidité, il est permis donc qu'il donne la zakat en terrain. Il est permis qu'il donne la zakat en terrain à un pauvre s'il n'a pas de liquidité. Voilà. Si vraiment quelqu'un a beaucoup de terre et tout, beaucoup de terrain qui revend, voilà, il est pas, et qui n'a pas de liquidité, il est permis qu'il donne une parcelle à un pauvre. Ça sera donc compté comme la zakat de ses terrains. Ou alors, si vraiment il ne peut pas donner une parcelle parce que la parcelle qui va sortir, ça sera très petit, ça sera quelque chose d'insignifiant. Dans ce cas-là, il lui est permis de vendre donc une partie de ses terrains et donc de sortir, de donner la zakat en liquide, donner la zakat en argent donc aux pauvres. Ou alors, si vraiment aucune de ces solutions n'est possible, il doit estimer ce qu'il doit sortir comme zakat chaque année sur ses terrains. Il doit estimer la zakat qui doit sortir chaque année sur ses terrains et le noter. Donc il estime et il note, et lorsqu'il vendra, il vendra une partie de ses terrains ou il vendra ses terrains, donc il sortira la zakat de toutes ces années là donc s'il n'a pas cette possibilité, chaque année il note, il estime la zakat qui doit sortir, chaque année il note, et au moment où il a la possibilité donc de payer, il paye donc, il règle donc la zakat de toutes ces années-là. Donc c'est ce que Notre frère de mérite, Abu Bakr al-Hammadi, donc, il rapporte donc dans sa Risala aussi. Il rapporte donc cet avis dans sa Risala. Et autre précision et dernière précision importante. On en a déjà parlé, mais c'est bien de le répéter à ce moment-ci. C'est le fait que on complète la zakat, on complète le nisab des produits et biens commerciaux. Donc le nisab des produits et biens commerciaux se complète avec l'or, l'argent et la monnaie, les billets de banque qu'on possède. Donc le nisab des produits et biens commerciaux se complète avec l'or, l'argent et les billets de banque qu'on possède. Exemple, tu vends des tissus, mais ton stock de tissus dans ton magasin n'atteint pas le nisab. Tu as un petit stock, ça n'atteint pas le nisab, mais tu as de l'or ou de l'argent que tu possèdes. Tu as donc de l'or ou de l'argent que tu possèdes qui aussi n'atteint pas le nisab. On a vu que le nisab de l'or c'est 95 grammes et le nisab de l'argent c'est 595 grammes. Donc tu possèdes de l'or et de l'argent qui n'atteignent pas ce nisab. Donc, ou bien tu as de l'argent en billets de banque que tu as épargné, tu as de l'argent de côté que tu as épargné qui n'atteint pas aussi le nisab. Donc il est donc permis et tu te dois donc d'additionner l'estimation de la valeur de tes tissus. Tu estimes la valeur de tes tissus en argent et donc tu additionnes cela avec la valeur de l'or ou de l'argent que tu possèdes et tu additionnes cela aussi à l'argent que tu as mis de côté et que tu as épargné qui n'atteint pas aussi le nisab. Et donc si la somme de tout cela atteint ou dépasse le nisab, dans ce cas-là donc, tu sors les 2,5%, tu divises ce montant-là par 40, tu sors donc les 2,5% qui est donc la zakat que tu dois payer pour ces biens-là. Donc, quelqu'un qui a un commerce et que son stock n'atteint pas le nisab, il doit compléter, s'il a de l'argent de côté, il doit compléter avec l'argent qu'il a mis de côté. Si ça n'atteint toujours pas le nisab, il regarde dans ses autres biens qu'il possède. S'il y a des biens qui peuvent aussi compléter, il complète avec, comme de l'or, de l'argent ou autre. Il complète avec. Donc, l'or ou de l'argent ou des choses qui vont dans ce sens. Donc, le nisab, donc les produits commerciaux se complètent donc avec les produits et biens commerciaux se complètent donc avec l'or, l'argent ou les billets de banque. Et pas autre chose, comme je l'ai dit, c'est une erreur de dire ou autre chose. Donc, ça c'est juste l'or, l'argent qui complète donc l'or, l'argent et les billets de banque qui complètent donc le nisab des produits commerciaux. Et pas autre chose. Donc, c'est une erreur verbale que j'ai faite. Donc, en résumé, donc, comme je le disais, si quelqu'un possède un bien, il a par exemple des stocks, il a un magasin, il vend des produits alimentaires, il estime le stock de ces produits alimentaires, sucre, farine, autres, il estime le stock de ces marchandises, ça n'atteint pas le nisab, mais il a un peu d'or qu'il possède à la maison, il a un peu d'argent qu'il possède à la maison, ou bien il a un peu d'argent de côté, qui dort, qu'il a mis de côté. Bon, dans ce cas-là, il complète le nisab. Il complète le nisab des produits commerciaux. Et on sait que le nisab, on sait que les produits commerciaux, comme on l'a dit, ont le même jugement que l'or et l'argent. Donc leur nisab est le même. Et comme on avait dit que le nisab qui profite le plus aux pauvres, c'est le nisab de l'argent. Donc il se base donc sur les 595 grammes d'argent comme nisab. Donc si les produits qu'il a dans son magasin sont en dessous des 595 grammes d'argent, dans ce cas-là, il peut compléter avec de l'argent qu'il a il peut compléter avec le matériau argent qu'il possède, ou l'or qu'il possède à la maison. Ou dans ce cas-là, il complète aussi, si ça ne suffit toujours pas, il complète avec les billets de banque qu'il peut posséder, qu'il a mis de côté, qu'il a épargné. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les produits commerciaux. Nous sommes bientôt à la fin du cours du Fadlillah Azzawajal. Il doit nous rester un ou deux cours maximum. On demande à Allah Azzawajal qu'il nous facilite de compléter et de terminer ces cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك